le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Passé recomposé avec des si, on met l'histoire en bouteille. Ah oui, deux petites lettres aux conséquences extraordinaires. Si, et si Napoléon n'avait pas perdu à Waterloo, et si Hitler n'avait pas existé, et si suivi de l'imparfait le plus souvent, et si parfois, oui, faute de grammaire évidente dans la guerre des boutons de l'écrivain Louis Pergaud en 1912 avec le petit gibus, et si j'aurais su, j'aurais pas venu. Oui, et si un détail du passé qui peut changer le futur. Samedi dans la nuit, nous te renverrons vers le futur. D'accord, samedi c'est bien, samedi c'est très bien. Je vais passer une semaine en 1955, je pourrais me balader, vous me ferez visiter. Marty, il n'en est pas question, tu ne dois absolument pas quitter cette maison. Il faut que tu ne vois personne et que tu ne parles à personne. Si tu le faisais, ça pourrait avoir de très graves répercussions sur le futur. Tu comprends ça? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Marty, tu n'es entré en contact avec personne aujourd'hui à part moi. Il se peut que je sois tombé par hasard sur mes parents. Nom de Zeus. Ah bah nom de Zeus, y a pas à dire. Le film Retour vers le futur, évidemment. Bonjour Pierre Saint-Garavellou. Bonjour. Cette idée de mettre des si dans la narration de notre passé, j'ai presque envie de dire que c'est une évidence, hein, le si, mais alors au niveau individuel. Là on avait un extrait de ce film Retour vers le futur où... en changeant un moment du passé, l'ensemble de l'histoire qui suit se transforme. C'est naturel, en fait, d'imaginer des possibles. Oui, vous avez raison. En fait, c'est un raisonnement ordinaire qui est très banal, auquel nous recourons tous quasi quotidiennement, en se demandant si tel ou tel événement n'avait pas eu lieu, qu'est-ce que cela aurait changé à notre propre histoire, notre histoire personnelle, mais aussi la grande histoire. En fait, c'est une manière très simple d'apprécier un événement, d'essayer d'évaluer son impact, d'évaluer aussi la pertinence de ses propres choix, c'est-à-dire quand on est face à un choix, enfin un calcul avantage en mobilisant aussi ce « et si ». Et puis les psychologues, depuis l'après-guerre, à partir des années 1950, notamment les spécialistes de psychologie cognitive, ont beaucoup étudié ce qu'on a commencé à dénommer le raisonnement contrefactuel. Et ils se sont aperçus que ce raisonnement contrefactuel était d'une grande banalité, on l'a dit, mais qu'il était aussi à l'origine de nombreux sentiments, comme le regret, la nostalgie, mais aussi, au contraire, la satisfaction. Donc c'est un raisonnement qui est largement partagé par les êtres humains. En réalité, c'est une des caractéristiques qui distingue les humains des autres espèces, et on s'est aperçu plus récemment, à la fin du XXe siècle, eh bien qu'on pouvait localiser ce raisonnement contrefactuel dans le cerveau humain. Plus précisément à l'avant du cerveau humain, dans ce qu'on appelle le cortex orbitofrontal. Donc, eh bien, c'est un raisonnement qui est partagé par tous les humains et qui, au fond, est la manière pour eux de saisir le réel. Oui, parce que c'est ça, hein, toujours la compréhension du réel. Et si ce jour-là, j'avais été lui parler, peut-être que ma vie aurait été complètement différente. C'est au niveau de l'individu. À quel moment l'historien, l'historienne se saisit de ce « et si » ? Eh bien, on peut dire que les historiens se sont intéressés à ce raisonnement très tôt. On retrouve ce raisonnement contrefactuel d'abord sous forme de digression. On retrouve ce raisonnement dans Thucydide, par exemple, l'histoire de la guerre du Péloponnèse au 5e siècle avant notre ère, où Thucydide recourt à plusieurs reprises à ce « et si ». Puis les grands historiens romains, Tite Live, par exemple, au 1er siècle avant notre ère, utilisent ce raisonnement contrefactuel à plusieurs reprises pour comparer les mérites d'Alexandre le Grand et des généraux romains de son époque. Donc il pratique le SI de manière anachronique pour mettre en valeur les généraux romains par rapport à Alexandre. Et puis à sa suite, toute une série d'historiens, de chroniqueurs vont mobiliser le SI, des philosophes aussi, on pense à Blaise Pascal dans ses pensées où il évoque d'une part une pensée qu'on connaît moins, le calcul urinaire de Cromwell, hein, ce fameux grain de sable dans l'urètre, pour reprendre son expression, qui au fond aurait été à l'origine de la mort de ce dirigeant politique, et donc du rétablissement de la monarchie en Grande-Bretagne, de la fin de cette grande révolution promue par par Cromwell. Et de la même manière, il fait un parallèle entre cette maladie qui mettrait fin à ce projet politique et puis l'amour. L'amour dans les yeux de Marc-Antoine, l'amour pour Cléopâtre. Et si le nez de Cléopâtre avait été plus court, eh bien le destin de la face de la Terre, hein, c'est l'expression de Blaise Pascal, aurait été changé. Et donc on voit comment, selon Pascal, eh bien l'amour comme la maladie peuvent être aussi des moteurs de l'histoire. Alors c'est vraiment intéressant parce qu'en réalité ça a beaucoup fasciné les historiens qui continuent aujourd'hui à s'intéresser à ces deux exemples, puisque très récemment un livre d'histoire a tenté de démontrer que Cromwell en fait avait été assassiné, hein, donc ce contrefactuel de Pascal ne pourrait pas fonctionner. Et puis d'une autre manière, on voit comment les archéologues, mais aussi les militants activistes, s'intéressent au visage de Cléopâtre. Et on sait à travers plusieurs monnaies, par exemple, eh bien que Cléopâtre possédait un physique dont les canons ne correspondaient pas forcément à la beauté de l'époque, hein, et que c'est sans doute Shakespeare qui, eh bien, au XVIIe siècle, a forgé dans Antoine et Cléopâtre ce mythe de l'incroyable beauté de la reine d'Égypte, et qu'en fait, eh bien, Marc-Antoine s'est aussi rapproché de Cléopâtre pour des raisons politiques et pour lutter contre Octave. Si le nez de Cléopâtre eût été plus court, toute la face du monde aurait été changée. C'est vrai que c'est plus joli comme formule que si le grain de sable dans la quicoute de Cromwell avait été plus petit, tout se serait bien passé. Dites-nous, Pierre Sagaravelou, dans cette réflexion sur le « et si », bien sûr, il y a, on peut le dire, un jeu intellectuel, il faut rappeler sans cesse, mais Marc Bloch le disait déjà, l'histoire, c'est aussi un plaisir intellectuel, un divertissement. Il y a de ça, hein, en réfléchissant au « et si ». Parce que ben, c'est juste le plaisir de réfléchir. Oui, cette dimension ludique du « et si » est très intéressante pour l'historien et l'historienne, parce qu'il permet il permet notamment d'enseigner l'histoire, et il a une vertu pédagogique, dont on s'est aperçu de cette vertu avec Quentin de Luermoz, qui est le co-auteur de ce livre que nous avons publié en 2016, intitulé « Pour une histoire des possibles », précisément sur ces analyses contrefactuelles en histoire et en sciences sociales. Et on s'est aperçu très tôt avec Quentin de Luermoz que ce raisonnement pouvait faciliter la mise en partage de l'histoire, des savoirs historiques avec le plus grand nombre, et notamment avec les élèves dès l'école primaire, le collège, le lycée, avec aussi les adultes qui n'ont jamais fait d'histoire, à travers de ce qu'on appelait des ateliers d'histoire partagée, mis en place à partir de 2011, d'abord dans des festivals, puis dans des musées aussi, à plusieurs reprises, et puis l'éducation nationale s'en est saisie à travers des recommandations, mais aussi à travers des associations comme l'association F93 qui œuvre dans toute l'Île-de-France et qui depuis 4 ans avec nous a mis au point un programme chaque année, une douzaine de classes de lycées d'Île-de-France, de banlieue, aussi de lycées parisiens, eh bien travaillent avec leurs enseignants, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, tout au long de l'année, avec un chercheur spécialiste de la question qu'ils ont définie avec leurs enseignants. Ils peuvent travailler sur Galilée, sur la bataille de Lépante, sur la Seconde Guerre mondiale, sur toute une série de questions qui mobilisent les savoirs qu'ils ont pu apprendre tout au long de leur scolarité. C'est un moyen pour eux de remobiliser ces savoirs, de leur reposer de nouvelles questions, comme vous le disiez, de manière ludique, hein, de manière entraînante, de manière passionnante, et ces contrefactuels donnent lieu à des restitutions qui chaque année sont extrêmement savoureuses. À la fin de l'année, donc, on organise des mini colloques, comme on les appelle, en Sorbonne, où c'est extrêmement réjouissant parce qu'on retrouve 300-350 élèves des quatre coins de l'Île-de-France qui se retrouvent au cœur de Paris pour, eh bien, présenter le résultat de leurs recherches, avec à la fois évidemment une analyse qui à chaque fois permet de relire l'histoire telle qu'elle est advenue, parce que c'est ça qui est fondamental, c'est que en fait ça n'est pas simplement un jeu de l'esprit, c'est une manière de relire l'histoire telle qu'elle est advenue en lui posant de nouvelles questions, en envisageant les possibles du passé, les points de bifurcation, les possibilités non abouties, Et en fait, ce qui est fascinant à chaque fois dans ces expériences, ces ateliers d'histoire partagée, que ce soit avec des adultes ou des élèves, eh bien, c'est qu'on s'aperçoit, et c'est très troublant pour les historiennes et les historiens professionnels, que, eh bien, les non-professionnels retrouvent très rapidement, assez spontanément et intuitivement, les principales hypothèses de l'historiographie. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, c'est-à-dire qu'en travaillant avec un essai qu'on met dans l'analyse, ça permet par la réflexion d'approcher des hypothèses de spécialistes. Exactement, c'est la démonstration de ce que Jacques Rancière appelle l'égalité des intelligences. L'égalité des intelligences, vous savez, c'est ce qu'il a essayé de travailler dans son ouvrage Le Maître ignorant, où il s'inspire précisément d'un pédagogue de la Révolution française, Joseph Jacotot, qui considérait que l'éducation ne se donne pas, elle se conquiert. Et c'est très important parce que le contrefactuel est un moyen de s'approprier l'histoire. De manière active, vous le disiez, il y a cette dimension ludique, mais c'est cette dimension active où il s'agit non pas de consommer passivement des données historiques, des faits historiques, mais de se les approprier en les questionnant. Hein. Et c'est ça qui est fascinant dans ce type d'expérience. Hein. C'est qu'on s'aperçoit qu'en mobilisant l'imagination, la réflexion, qui est évidemment encadrée par le travail des enseignants tout au long de l'année, eh bien, les participants retrouvent des hypothèses historiographiques parfois extrêmement complexes. Alors voilà, donc il y a toute une série, j'imagine, de faits, de moments, de périodes, d'éléments et peut-être d'acteurs aussi. Et après, il y a une réflexion. Il y a eu Charles Martel dans ses ateliers ? Alors Charles Martel, on n'en a pas parlé dans ses ateliers, pas encore. Ah bah écoutez, ce sera l'occasion de parler de Charles Martel parce que là aussi, oh là, longtemps, on nous a appris en 732, Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers et puis grâce à Jacques Offenbach, ça a été chanté. Réveillez-vous donc, allons ! Notre maître à tous. Charles, armée de pieds en pape, on dit les infidèles, on franchit les Alpes par cap, et des prix-toi citadelle, en traversant la Suisse en long, dans leur itinéraire, pour être funéraire, et tout le funéraire. Oh, que je l'ai plaint, oh, que je l'ai plaint, ces pauvres, pauvres sarrasins. Oh, que je l'ai plaint, oh, que je l'ai plaint, ces pauvres, pauvres sarrasins. Le boléro de Charles Martel en 1859, dans l'opéra Geneviève de Brabant de Jacques Offenbach, Pierre Singer-Avelou. Ben voilà, on a un beau cas d'étude ici avec Charles Martel. Oui, parce que en fait Charles Martel intervient dans cette histoire du raisonnement contrefactuel à la fin du XVIIIe siècle, dans un ouvrage très célèbre d'Edward Gibbon, l'historien britannique, auteur du déclin et de la chute de l'Empire romain, qui décrit avec beaucoup d'humour ce contrefactuel sans lequel Charles Martel n'aurait pas réussi à vaincre les troupes d'Abdelrahman en 732 à Poitiers. Donc il imagine, Edward Gibbon, en cette fin du XVIIIe siècle, une Europe conquise par les Arabes et conquise par les musulmans. Il décrit avec, c'est très savoureux, il décrit cet Oxford contrefactuel où au lieu d'apprendre la Bible, les étudiants réciteraient le Coran. Alors c'est un exemple très intéressant parce que pour Gibbon, il s'agit pas du tout d'évoquer la menace musulmane, mais plutôt de railler en fait l'influence gênante pour lui de l'anglicanisme conservateur en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est intéressant parce que ce contrefactuel va être ensuite repris à de nombreuses reprises, notamment dans la culture populaire. On peut penser à cette chanson de Renaud qui se moque à son tour des ricains de Sardou et qui, dans un des vers de sa chanson, parle de ce Charles Martel qui, s'il n'avait été pas là, nous porterions tous des djellabas. Et donc, par là même, Renaud se moque du contrefactuel. Et il a bien raison. Il a bien raison parce que, en fait, il s'agit d'un contrefactuel impossible. Et c'est ça qui est intéressant ici. On s'aperçoit que, au fond, pendant plusieurs décennies, les historiens républicains, parce que ce mythe de Charles Martel est une invention de la Troisième République, les chroniqueurs chrétiens au Moyen-Âge, pendant très longtemps, ne parlent quasiment pas de Charles Martel. C'est précisément un contrefactuel qui donne de l'importance à un quasi non-événement. C'est-à-dire, c'est parce que les historiens républicains considèrent que si Charles Martel n'avait pas arrêté les troupes d'Abdelrahman en 732 à Poitiers, eh bien, la France entière, ou disons une grande partie de la France, aurait été conquise par les musulmans à cette époque. Donc on voit bien comment le contrefactuel est mobilisé même inconsciemment par les historiens parfois pour donner du sens à l'histoire. Et ça n'est qu'au fond qu'à la fin du XXe siècle que les historiennes et les historiens se sont intéressés de très près à cet événement pour en faire aujourd'hui un non-événement, en s'apercevant que non seulement il n'a pas eu lieu à Poitiers, mais sans doute entre Tours et Poitiers, mais qu'en plus il ne s'agissait pas du tout d'une tentative de conquête d'une partie de la France par les troupes d'Abdelrahman, mais au contraire d'une simple razzia. Il y avait à cette époque des dizaines, voire des centaines de razzias menées par ces troupes arabes localisées dans le sud de la France, hein, où elles s'étaient installées notamment à la gare de Fresnay près de l'actuel Saint-Tropez, hein, et où il s'agissait simplement d'aller chercher du butin avant de revenir. Donc ça, ce sont les travaux notamment de Françoise Michaud, hein, de la médiéviste, qui ont montré avec précision, eh bien que au fond, ce contrefactuel n'était pas possible, et pourtant ce contrefactuel est encore aujourd'hui mobilisé, alors plus par les historiens républicains, mais par, disons, une grande partie de l'extrême droite et des identitaires pour qui Charles Martel est une des figures de référence. Et oui, parce que toujours il y a sens dans l'utilisation du contrefactuel. Bien sûr, quand Michel Sardou chante « Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie », il l'évoque. Alors, une discussion historique qui est possible, si les Américains n'avaient pas débarqué en 1944, très bien, mais surtout au moment où il le chante dans les années 1970, il parle de la situation de ce moment. C'est ça aussi qui est intéressant avec le contrefactuel, c'est que vous, historien, Pierre Singaravelou, avec Quentin de Luermoz, quand vous avez travaillé sur la question dans ce livre pour une histoire des possibles analyses contrefactuelles et futures non advenues, ben vous en retrouvez plein. Mais il y en a partout, en fait. Vous avez cité Thucydide, Tite Live. On le sent. Faut juste ouvrir les yeux et ils sont là, ces contrefactuels. Oui, c'est assez troublant. C'est-à-dire qu'il suffit de lire un livre d'histoire pour s'apercevoir que la plupart du temps, implicitement, les historiennes et les historiens, mais plus généralement les chercheurs en sciences sociales, mobilisent ce type de raisonnement, mais la plupart du temps sans l'expliciter, sans le dire. Un des exemples les plus intéressants, c'est sans doute l'Opus Magnum de Fernand Braudel, publié en 1949, La Méditerranée et le monde méditerranéen sous Philippe II. On s'aperçoit que, eh bien, à plusieurs dizaines de reprises, c'est Benjamin Boulay qui a vraiment repéré précisément dans le texte les différentes occurrences de cette analyse contrefactuelle par Fernand Braudel. On s'aperçoit qu'il mobilise à chaque fois, ou souvent, disons, cette analyse contrefactuelle pour mesurer l'importance des structures par rapport au rôle des grands hommes. Il s'agit de montrer comment Philippe II et Charles Quint, en l'occurrence, auraient pu modifier disons la forme de l'Empire, en l'occurrence, mais pas, si vous voulez, ses fondamentaux, hein. Et donc on voit bien comment y compris un historien qui se refuse à donner trop d'importance à l'événement, a mobilisé le contrefactuel. Et c'est un élément intéressant parce que on a considéré à juste titre que les historiens français avaient rejeté formellement cette analyse contrefactuelle, notamment après la Seconde Guerre mondiale, avec le triomphe partielle de l'école des annales, c'est-à-dire ces historiens qui s'intéressaient aux structures de l'économie, du monde social, aux dépens de l'événementiel, de l'histoire militaire, de l'histoire politique, eh bien, c'est vrai que c'est aussi pour ça que ces historiennes et ces historiens ont rejeté l'histoire contrefactuelle, qui était considérée comme une histoire superficielle, qui ne se focalisait exclusivement sur les grands hommes, les grandes batailles et les événements. Parce que l'histoire contrefactuelle, par définition même, joue sur le moment, l'événement. C'est le « et s'il ne s'était pas passé ça à tel moment, et si tel personnage n'avait pas existé ?» C'est sûr que ça passe mal dans une histoire qui regarde beaucoup plus les grandes structures, les grands mouvements de société. Et ça, ça peut aller très loin. Hein. Même une réflexion autour de Jésus par le révérend père Riquet qui croise Karl Marx. Karl Marx vous dira « le christianisme » fut précédé par l'écroulement total des conditions du monde antique. Écroulement dont le christianisme fut simplement l'expression. Alors, dans cet écroulement, ce bouleversement des conditions économiques, que Pilate ait dit oui, que Pilate ait dit non, pour Marx, cela n'avait au fond aucune importance. Oui, parce que l'événement n'a pas en tant que tel d'importance. C'est aussi cela qui est intéressant dans cette démarche, cette réflexion sur les futurs possibles ou sur la nécessité de regarder l'événement, c'est de relativiser, de nuancer la place d'un événement dans un mouvement beaucoup plus vaste. Oui, c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette analyse. C'est précisément ce que dit Marc Bloch lorsqu'il s'intéresse à la fusillade sur le boulevard des Capucines en 1848, qui aurait été pour certains le déclencheur de la Révolution. Il considère que c'est pas le cas, que ce sont les forces profondes, si je puis dire. Enfin, il utilise le terme de la profondeur historique, hein, qui en l'occurrence est déterminante. En réalité, ce qui est intéressant dans le raisonnement contrefactuel, c'est qu'il n'est pas déterminé. Il n'est pas déterminé politiquement. Il n'est ni de droite ni de gauche puisqu'il a été mobilisé, disons, par des chercheurs de tous bords. Et il n'est pas déterminé non plus épistémologiquement puisque, en réalité, il a aussi été utilisé dans la très longue durée au service d'analyse structurale. Par exemple, Jared Diamond utilise ce raisonnement contrefactuel pour expliquer pourquoi... Les Aztèques n'ont pas pu résister à la conquête espagnole, aux conquistadors. Et pour cela, eh bien, il remonte plusieurs dizaines de milliers d'années, et même plus en amont dans l'histoire, il remonte au Pléistocène, c'est-à-dire dans les temps géologiques, au moment où les continents se forment, pourrait expliquer que, eh bien, si l'Amérique ne s'était pas étendue du nord vers le sud, mais de l'ouest vers l'est, hein, c'est-à-dire de notre point de vue en largeur, comme le continent européen, eh bien, à ce moment-là, à l'époque du Pléistocène, l'Amérique aurait pu, eh bien, voir prospérer sur ses terres des grands mammifères, des chevaux, des vaches, par exemple. Et ça aurait complètement, selon lui, changé le cours de l'histoire. Parce que grâce à ces chevaux, écrit-il, les Aztèques auraient pu poser une cavalerie qui aurait pu repousser sans mal les conquistadors. Et puis surtout, grâce à ces grands mammifères, eh bien, ils auraient pu être protégés des maladies, du fameux choc biologique apporté par les conquistadors qui a été le mal le plus terrible qui a frappé les populations amérindiennes. Ah, donc il explique, c'est assez à la fois drôle et intéressant du point de vue de la très longue durée, que le sort des populations amérindiennes s'est joué non pas en 1519 ou au début du XVIe siècle, mais au Pléistocène. C'est passionnant, mais c'est passionnant parce que pour réussir à faire une bonne analyse contrefactuelle, et on l'entend dans votre voix, Pierre Singer-Avelou, il faut de grandes connaissances. On ne s'amuse pas à faire n'importe quoi. C'est ça aussi qui est un vecteur qui peut nous conduire vers une analyse historique sérieuse, parce que on ne fait pas du contrefactuel à partir de rien. Oui, c'est l'approche que nous défendons avec Quentin de Luermoz et d'autres. Eh bien, c'est c'est ce qu'on appelle l'histoire des possibles, hein, s'intéresser aux possibles du passé. Et ça n'est pas, si vous voulez, une approche uchronique. C'est-à-dire que notre idée n'est pas de partir d'un point de bifurcation à partir de laquelle l'histoire aurait pu être différente et d'imaginer ce qui aurait pu se passer en s'éloignant de ce point de bifurcation. Cette uchronie, elle est très intéressante pour les littéraires, pour les philosophes aussi, parce qu'elle peut avoir une dimension morale très intéressante, pour les militants politiques aussi, elle permet d'inverser les rôles. Mais pour nous, ce qui est intéressant, c'est précisément de se focaliser sur le point de bifurcation, sur les possibles à un moment donné. Hein. Et c'est ça qui nous permet, par exemple, eh bien, de hiérarchiser les causes. Ça, c'est un élément très intéressant qui a été développé assez tôt, dès le début du XXe siècle. C'est le sociologue Max Weber, dans ses essais sur la science de 1906, il explique très simplement que seule l'approche contrefactuelle peut conférer à l'histoire le statut de science. C'est-à-dire que seul le raisonnement contrefactuel dont nous venons de parler permet de hiérarchiser les causes et d'identifier les causes. Et depuis Max Weber et 1906, eh bien, toute une série de sociologues, puis d'économistes et puis d'historiens se sont saisis de ce raisonnement précisément pour travailler les causes de l'histoire et l'imputation causale en histoire, avec l'un des exemples les plus connus, qui est celui de Robert Fogel, qui est devenu prix Nobel d'économie et qui va être un des fondateurs de la cliométrie et qui, en fait, dans les années 1950-1960, s'attaque à, eh bien, un des fondamentaux de l'histoire économique états-unienne qui fait complètement consensus, une des thèses qui n'est pas du tout discutée, qui est celle de l'indispensabilité du chemin de fer dans la croissance des États-Unis. C'est-à-dire qu'à cette époque, tout le monde est d'accord pour dire que, au 19e siècle, la croissance rapide des États-Unis est due au chemin de fer. Eh bien, Robert Fogel, qui est économiste et historien également, eh bien, pose une question contrefactuelle tout simplement pour remettre en cause cet axiome en se disant, eh bien, supprimons le chemin de fer de l'histoire des États-Unis et remplaçons-le par un autre type de transport. Les cours d'eau, par exemple. Et donc, à base de nombreuses projections statistiques, de simulations, il s'aperçoit qu'avec les cours d'eau, à la fin du 19e siècle, la croissance aurait été quasiment la même à quelques pourcentages près. Oui, mais Elvis n'aurait pas chanté la même chose. Train I ride, 16 coaches long. Train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend, round the bend. Train, train, coming round, round the bend. Le Mystery Train d'Elvis Presley en 1953, Train, Train, Train, Pierre Sangarelou. Alors cette analyse de dire d'accord, même sans le chemin de fer, peut-être grâce aux canaux, les États-Unis auraient pu connaître un développement industriel très bien. Dans quelle mesure, et c'est peut-être aussi une des limites et un des pièges, il y a la volonté de prouver l'inéluctable. Nous savons aujourd'hui que les États-Unis sont devenus une grande puissance industrielle. J'enlève le chemin de fer et je cherche à montrer que les États-Unis sont devenus une grande puissance industrielle, ce piège de la téléologie. Alors, vous avez raison, il y a un usage dont il faut se méfier et se départir. Ce serait un usage précisément téléologique, fondée précisément sur une histoire des grands hommes, et si Hitler n'avait pas existé, il n'y aurait pas eu de Seconde Guerre mondiale. Typiquement, un contrefactuel qui n'a aucun intérêt d'un point de vue historique. Le contrefactuel, au contraire, peut précisément nous aider à défataliser l'histoire, à nous émanciper, comme vous le suggériez, eh bien des schémas déterministes. Et on peut s'inspirer en cela d'une œuvre séminale, celle de Mona Ozouf, dans son ouvrage intitulé Varennes, qui s'intéresse à la fuite du roi Louis XVI à Varennes. Alors la fuite à Varennes, déjà, hein, expression éminemment téléologique hein, dans l'historiographie française et la culture populaire, comme si le roi Louis XVI s'enfuyait à Varennes. Hein, pas du tout. Il cherchait à retrouver à la frontière des troupes qui l'attendaient. Mona Ozouf se demande dans Varennes ce qui se serait passé si Louis XVI avait réussi sa fuite. Eh bien, il aurait pu retrouver précisément ses troupes, rétablir l'ordre à Paris, pourquoi pas instaurer une monarchie constitutionnelle. Toute une série de possibles peuvent être étudiés dans cette nuit du 20 et 21 juin 1791. Et c'est ça qui, enfin, c'est un des usages les plus intéressants du contrefactuel, c'est de réouvrir les possibles du passé, de comprendre qu'à ce moment-là, même si Louis XVI n'a pas véritablement conscience de ce qu'il se joue, eh bien, la Révolution française elle-même n'est pas jouée, et que c'est un fait contingent, en l'occurrence, hein, ce fameux Drouet qui reconnaît le roi à Sainte-Menehould. Alors qu'il ne l'a jamais vu, hein, et que c'est à partir du profil du roi dont il se souvient, il a pu le remarquer sur un assignat, eh bien qu'il identifie le roi à ce moment-là en pleine nuit, et que ensuite ils vont partir à sa recherche. C'est ce fait contingent, eh bien qui va évidemment avoir un impact sur la Révolution française. Ah bah la fuite à Varennes, mais c'est vrai, vous avez raison de le souligner, Pierre Saint-Garavelou, il n'a jamais fui à Varennes, il n'a pas pris une carte en disant « je vais fuir à Varennes ». Non, non, il cherchait à aller beaucoup plus loin. Il me paraît tout à fait en règle, ce passeport. Un peu plus régulier, oui. Il est même signé Louis. C'est même ce qui a dû être le plus facile à faire. Ah, comment ça ? Puisque le voyageur qui est dans la voiture, c'est le roi. Le roi ? Oui, le roi. Voilà, il a eu qu'à signer son passeport lui-même, puisque c'est le roi. Et mon marin ? Il est dans la voiture, ah non, aussi. Non, moi, dans tout ça, je vois aucun motif pour arrêter les voyageurs et les empêcher de continuer leur route. Ouais, une route qui va les conduire en territoire étranger. Et alors ? Parce que vous croyez toujours que c'est la famille royale. Mais bien sûr. Mais non, monsieur, c'est madame la baronne de Corfe qui est dans la voiture. Pas du tout, c'est Marie-Antoinette. C'est la caméra qui explore le temps en 1960 à propos de la fuite à Varennes avec Pierre Saint-Garavelou. Des périodes particulières où l'on sent que cette réflexion sur ces analyses contrefactuelles sont alors mais très vives et du temps même des contemporains. On voit bien que cette période révolutionnaire et l'épisode napoléonien, mais c'est ça grouille de réflexion comme ça avec des essais. Oui, vous avez entièrement raison. Les périodes de révolution, mais aussi de guerre, sont des moments d'hésitation. On sent bien, et les acteurs en ont conscience, que l'histoire hésite. Et en fait, ça n'est pas un hasard si c'est précisément au moment de la révolution, des révolutions du XVIIIe siècle, que le régime d'historicité se modifie. Hein. Reinhard Koselleck, l'historien allemand, l'a bien montré. Avec la fin du XVIIIe siècle, s'ouvre une brèche dans l'ordre des temps. C'est-à-dire que jusqu'au XVIIIe siècle, les sociétés occidentales sont tournées vers le passé. Le passé, eh bien, est la référence absolue. Le passé s'impose. Eh bien, avec le XVIIIe siècle et les révolutions qui ont lieu à ce moment-là, notamment évidemment en France, mais aussi ailleurs, eh bien, les sociétés se tournent vers l'avenir, un avenir incertain, un avenir parfois synonyme de progrès, et ce nouveau régime d'historicité favorise l'éclosion de nouvelles formes littéraires, en l'occurrence de ce qu'on appelle l'uchronie. Uchronie qui se multiplie à partir du début du 19e siècle. Alors, l'une des uchronies les plus intéressantes permet de relier la période révolutionnaire à la période napoléonienne que vous évoquiez, c'est celle de Louis Geoffroy. Surnommé Louis-Napoléon Geoffroy Château, qui est le fils d'un vétéran des armées napoléoniennes, qui a été beaucoup marqué par cette expérience napoléonienne, et qui publie, dans les années 1830, une des premières uchronies qui a un grand succès, qui s'intitule « Napoléon et la conquête du monde, histoire de la monarchie universelle ». Et dans cet ouvrage, Louis Geoffroy décrit ce qui se serait passé si Napoléon n'était pas mort en 1821, mais plutôt en 1832, après avoir vaincu les Britanniques au milieu des années 1810, Mais avoir repris la conquête de l'Égypte là où Bonaparte s'était arrêté, avoir exploré l'Afrique, avoir conquis une grande partie de l'Asie, exploré le pôle Nord et soumis les États-Unis. D'où cette idée de monarchie universelle, hein, dans laquelle Napoléon, eh bien, a imposé l'influence de la France dans le monde entier. Alors, c'est très intéressant parce que, loin d'être un panégyrique, cet ouvrage de Louis Geoffroy est une critique d'un monde désolé par l'expansion française. Et en même temps, c'est un ouvrage passionnant parce que, eh bien, il anticipe les grandes inventions de la fin du 19e et du début du 20e siècle, puisqu'il nous explique que c'est Napoléon, on est là dans les années, au début des années 1830, c'est Napoléon qui creuse le canal de Suez, qui sera inauguré en 1869. C'est Napoléon qui fait inaugurer le canal de Panama, qui sera pour sa part ouvert en 1905. C'est Napoléon eh bien, qui permet de rendre consommable l'eau de mer salée, etc., etc. Donc c'est, on voit bien comment l'Uchronie est d'emblée un moyen, eh bien, de comprendre l'histoire, de évidemment, elle invite le lecteur à comparer ce récit imaginaire, cette histoire alternative avec l'histoire telle qu'elle est advenue, hein, parce que ça fait partie du pacte de lecture. C'est ça qui est intéressant. C'est une littérature réflexive par définition, un texte brisé, comme disent les théoriciens de la littérature, hein, qui oblige le lecteur à comparer les deux, hein, la réalité telle qu'elle a eu lieu et puis cette imagination. Et puis ce sont des textes qui bien souvent ont une forte portée critique, une forte portée politique. Et puis parfois une forte portée musicale avec Ray Ventura et ses collégiens. Si le nez de Cléopâtre avait été plus long, si le grand Paganini n'avait pas joué de violon, et si Roméo n'avait pas rencontré Juliette, on n'en serait pas là. Si vraiment tous les chemins ne menaient pas à Rome, si le père Adam n'avait pas tant aimé les pommes, si les gars de Jéricho n'avaient pas eu de trompette, on n'en serait pas là. Oh non, sans tout cela, on n'aurait pas d'ennui. Oh non, tous nos tracas seraient bien vite enfuis. Car si la Joconde n'avait pas son fameux sourire, si Cambronne n'avait pas eu son petit mot à dire, si François Ier s'était payé une bicyclette, on n'en serait pas là. Si le nez de Cléopâtre avait été plus long, si les femmes pouvaient dire oui quand il faut pas dire non, et si place de l'Opéra on faisait pousser des fraises, on n'en serait pas là. Si l'on pouvait se saouler avec de l'eau de Vichy, si l'huile de Rissa pouvait guérir la calvitie, et si avec le beau froid il n'y avait pas de mayonnaise, on n'en serait pas là. Voilà, voilà pourquoi la vie est plutôt belle. Qu'il dites-vous? Voilà, ben voilà pourquoi votre fille est muette. S'il ne pleuvait pas toutes les fois que l'on part en pique-nique, si tous les garçons bouchés sortaient de Polytechnique, si tous les oiseaux de France chantaient la papolaise, on n'en serait pas là. Si le nez de Cléopâtre avait été plus long, si soudain Rému n'avait plus l'accent de Toulon, vous savez, si Tino Rossi savait jouer de la guitare, on n'en serait pas là. Si M. Léon Blum criait Viva Mussolini, si Pierre Dac était mannequin au casino de Paris, et si Maurice Frost se mariait avec Tonya Navarre, on n'en serait pas là. C'est fou. Tous nos tracas tiennent à bien peu de choses. Oh, mais vous savez, c'est fou. Mais en tout cas, nous en savons la cause. Si Michel Simon n'avait pas tant de sex-appel, si Monsieur Léon Jouot dansait le Big Apple, si l'orchestre Aventura faisait pas de tintamarre, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Ray Ventura, le nez de Cléopâtre dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares. Ah ben on n'en serait pas là si Alexandre n'était pas là. Avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger, on n'en serait pas là aussi si Ludovic n'était pas là. Pierre Singer-Avelou, dans cette réflexion sur cette histoire des possibles pour une histoire des possibles, analyse contrefactuelle et futur non advenu, c'est le livre que vous avez écrit avec Quentin Delormoz. Il y a une part d'historiographie. Et on l'entend bien, cette école, alors historique française, bien sûr, a pris sa part pour certains, avec des critiques, et c'est passionnant. On retrouve cette analyse contrefactuelle dans les écoles historiques anglo-saxonnes aussi, on l'a entendu, mais est-ce que c'est spécifique à ces écoles-là? Est-ce qu'on la retrouve ailleurs dans le monde? On la retrouve ailleurs dans le monde, notamment dans les anciennes colonies britanniques, hein, qui ont pu être influencées par l'historiographie anglophone. On la retrouve en Inde notamment. Et ces différentes traditions enrichissent d'une certaine manière les usages qu'on a pu faire de ce contrefactuel. Le contrefactuel est aussi utilisé, par exemple, pour dénaturaliser les évidences, hein, de l'histoire, pour déconstruire les grandes catégories de l'entendement historique, hein, par exemple pour s'attaquer à ce qu'on appelle la révolution industrielle ou à telle ou telle entité politique, tel ou tel pays. Par exemple, le sociologue Immanuel Wallerstein a utilisé le contrefactuel au sujet précisément de l'Inde. Dans un article intitulé « L'Inde existe-t-elle ?», eh bien, il se demande ce qu'il se serait passé si, eh bien, les Français, au XVIIIe siècle, avec Dupleix, avaient réalisé leur grand projet de colonisation de la moitié méridionale du pays. Eh bien, il imagine que les Français auraient fondé leur propre empire dans l'Inde du Sud, dénommé Dravidia, à partir du nom de ces populations du sud de l'Inde, les Dravidiens, très différentes du nord, hein, beaucoup plus foncées, beaucoup plus végétariennes par exemple, très attachées à la religion hindoue. Et il montre, eh bien, que à partir du XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, eh bien, auraient existé deux empires concurrents, l'empire français de l'Inde au sud et l'empire britannique de l'Inde au nord, appelé l'Hindoustan. Et il explique, eh bien, que depuis le XVIIIe, les historiennes et les historiens, qu'ils soient indiens ou britanniques ou français, se seraient appliqués à étudier les différences millénaires entre ces deux populations, les Dravidiens du Sud et les habitants du Nord. Et c'est fascinant parce que ce contrefactuel nous explique une chose toute simple mais fondamentale, c'est que les frontières de l'Inde actuelle, eh bien, sont le résultat d'un fait historique contingent, la colonisation britannique de l'Inde qui s'opère précisément à la fin du XVIIIe siècle. Et donc ça nous donne une leçon d'histoire extraordinaire parce que ça nous explique combien ce n'est pas la plupart du temps le passé qui détermine le présent, mais bien l'inverse, les questions du présent qui déterminent la manière dont nous écrivons le passé. Ah oui, donc dès lors, l'analyse contrefactuelle, c'est une vraie arme intellectuelle pour saisir la démarche même de l'historien et de l'historienne. Dans le cas de l'Inde, c'est absolument génial parce que l'Inde est une évidence. En plus, avec l'Himalaya, tout semble très cohérent, mais ça ne l'est pas. L'analyse contrefactuelle peut permettre de biaiser un peu cette normes de pensée. Est-ce qu'on peut appliquer ça ailleurs encore ? Oui. Alors, bon, cette analyse contrefactuelle permet de dénaturaliser les états-nations, les concepts, mais aussi, par exemple, de désautomatiser l'usage des périodes historiques, l'usage des siècles. C'est l'historien Daniel Milo, dans Le Gai Savoir, qui le montre de manière très éloquente. Il se demande ce qui se passerait si, eh bien, au lieu de compter le temps dans le calendrier grégorien, par exemple, à partir de la circoncision du Christ en l'an 0, eh bien, nous comptions le temps à partir de la Passion en 33. Eh bien, il montre que ce simple déplacement change totalement notre appréhension de l'histoire. Ce simple décalage de 33 ans fait qu'en fait Albert Einstein ne serait pas un homme du 20e siècle mais un homme du 19e, que le 18e siècle serait le siècle des Lumières mais aussi du romantisme. Ça permet tout simplement, eh bien, de prendre conscience, eh bien, que ces évidences n'ont rien d'évident, et de relire l'histoire d'une autre manière, évidemment une manière plus critique, qui a des effets évidemment sur la manière dont on l'écrit. Maintenant que nous avons, surtout vous Pierre Sagaravelou, si bien parlé de cette analyse contrefactuelle, je reviens sur ces ateliers que vous menez, entre autres, et tous les enseignants, les enseignantes qui réfléchissent à cela. Et nous, on a bien compris, hein, l'intérêt de la chose. Donc, concrètement, avec ces élèves, il y a un choix d'un événement, d'un personnage ? Comment ça se passe ? Oui, en fait, ces ateliers qui sont menés par des enseignants, des professeurs d'histoire-géographie, parfois aussi des professeurs de lettres, accompagnés par ensuite, dans un second temps, par des chercheurs spécialistes de la question, le point de départ, c'est la définition d'une question contrefactuelle. Et si la traite des esclaves, des captifs noirs n'avait pas existé, hein, qu'est-ce que cela changerait ? Donc on voit bien que cela suscite ensuite la formulation de toute une série d'autres questions contrefactuelles, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que cela change au devenir des États-Unis, de l'Amérique en général, du Brésil, mais qu'est-ce qu'aussi cela change au devenir de l'Afrique ? Hein, avec cette notion de sous-développement qui est par définition contrefactuelle, la notion de sous-développement qu'on utilise maintenant depuis plus d'un demi-siècle, puisqu'elle suppose l'existence d'un cours normal de l'histoire de ces pays dits sous-développés. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien les élèves réfléchissent avec leurs enseignants, en remobilisant leur savoir, ils peuvent forger des faux, de fausses archives, et donc ça permet de réfléchir évidemment à la définition de l'archive, à la définition des sources, hein, en évidemment en comparant avec des archives authentiques. Et puis à la fin, comme je le disais, il y a cette restitution en présence de l'ensemble des enseignants, en présence de l'ensemble aussi des historiennes et des historiens, et puis de leurs camarades d'autres lycées, d'autres villes d'Île-de-France. Et parfois l'analyse contrefactuelle, mais rapportée au niveau de l'individu, eh bien, transparaît dans la chanson. Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, France Culture, sur les ruines d'un champ de bataille, le cours de l'histoire, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Et qu'on nous épargne à toi et moi si possible très longtemps. Xavier Mauduit. D'avoir à choisir un camp. Jean-Jacques Goldman, Frédéric St. Jones, né en 17 à Leidenstadt, avec cette réflexion. Pierre Singer-Avelou, il y a une vraie portée aussi, et c'est très intéressant, la démarche de Goldman en écrivant les paroles de cette chanson. Et si juif, j'étais né en 17 en Allemagne, si j'avais été allemand à ce moment-là, aurais-je été comme eux ? Cette démarche-là, et on l'a bien compris, l'analyse contrefactuelle, tout ce qu'elle peut apporter à la réflexion et à l'étude historique, sans être la clé de tout, bien sûr, permet aussi de réfléchir à notre place dans la société, dans ces ateliers. C'est cela qui est important. Ça permet de réfléchir au passé, évidemment, pour le présent et peut-être aussi pour l'avenir. Oui, il y a cette vertu aussi d'empathie et de se mettre à la place de l'autre, parce que l'analyse contrefactuelle peut permettre, si elle est maîtrisée, d'inverser la perspective. Et c'est un usage ancien, hein, le théologien chrétien Duplessis Mornay, qui travaillait au service du roi de Navarre, qui va devenir Henri IV, eh bien, invitait ses lecteurs à se mettre à la place de ces sauvages d'Amérique et imaginer si, eh bien, c'était les Amérindiens qui avaient conquis l'Europe et non pas l'inverse. Et donc, c'est un moyen, si vous voulez, d'examiner de manière critique cette notion de sauvage. Et c'est exactement la même chose, le même usage qu'on peut en faire, qu'en font d'ailleurs les avocats qui travaillent sur les réparations. Hein, c'est-à-dire en imaginant ce qu'il faudrait payer aux esclaves s'ils avaient été salariés, hein, c'est une manière d'évaluer le montant des réparations de la traite et de l'esclavage, des dommages causés par ces phénomènes historiques. Et puis le présent est toujours au cœur de la pensée, parce que toute histoire reflète le présent de l'historien, de l'historienne qui est en train de construire cette histoire-là. Le passé, c'est l'outil de travail. Le présent, c'est voilà ce qui est là, ce qui reflète tout. Mais il y a aussi le futur. Et ça, c'est aussi la question qui est intéressante avec le « et si », parce qu'on se projette dans l'avenir. Exactement, et c'est très intéressant là aussi parce qu'un des usages de ce couteau suisse des sciences humaines et de l'histoire qu'est l'analyse contrefactuelle, eh bien c'est de retrouver, c'est ce que nous proposons avec Quentin de Luermoz, les futurs craints ou espérés par les femmes et les hommes du passé. Et c'est là où c'est intéressant, parce que les critiques de l'histoire contrefactuelle expliquent que parfois, à juste titre, ça n'est pas intéressant parce que ce sont des analyses qui sont totalement éloignées des archives. Eh bien, au contraire, on peut retrouver des raisonnements contrefactuels dans les archives, précisément des raisonnements contrefactuels des acteurs, des femmes et des hommes du passé. Et ça permet de montrer à quel point les possibles font partie du passé. les possibles font partie de cette réalité passée et nous avons pu l'envisager à partir d'un exemple, celui de la guerre des boxeurs en Chine en 1900. Vous savez, ce sont les puissances alliées qui se rassemblent dans le nord-est de la Chine pour réprimer ces rebelles chinois qui contestent la présence étrangère à travers les concessions notamment étrangères en Chine. On peut relire cette histoire en posant une question toute simple. Et si les Chinois avaient remporté la guerre des boxeurs? Alors que, officiellement, ce sont les puissances alliées, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Japon, les Russes, etc. Et si les Chinois avaient remporté la guerre des boxeurs? Ça n'est pas si idiot comme question, d'abord parce que dans les archives, on s'aperçoit que, c'est ce que pensent les Européens et les Occidentaux dans les concessions à l'été 1900, lorsque, au fond, ce sont les rebelles chinois qui remportent la plupart des affrontements et que les Européens eux-mêmes s'apprêtent à la défaite. À ce moment-là, ils désignent même des bourreaux parmi eux pour tuer leurs femmes et leurs enfants lorsque les Chinois auront pris les concessions. Et donc, ça n'est que, si vous voulez, un fait, là encore, contingent, la victoire seule des Japonais qui prennent la ville de Tianjin le 14 juillet 1900, tout seul, face aux autres alliés médusés, et bien que ce processus historique s'inverse. Et c'est ce qui explique pourquoi les soldats européens qui étaient dans les concessions, ainsi que les civils européens, vont massacrer les populations civiles de la ville chinoise. C'est parce qu'en fait, c'est une des raisons qui explique ce massacre, et bien parce qu'en fait, ils s'apprêtaient eux-mêmes à mourir. Et donc l'événement, en l'occurrence, ça n'est pas la victoire des Occidentaux, c'est leur non-défaite. Et il faut aller plus loin, parce que en réalité, et si les Chinois avaient remporté la guerre des boxeurs, cette question contrefactuelle nous invite aussi à revisiter le cadre d'entendement de la guerre et de la paix à cette époque. Parce qu'en réalité, la plupart des leaders chinois, des grands gouverneurs de provinces chinoises, qui étaient à la tête des armées les plus modernes, n'ont pas déclaré la guerre aux Occidentaux. En fait, ils ont même signé des traités de paix, et donc leurs soldats n'ont pas combattu. Donc, de leur point de vue, ils n'ont pas fait la guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que si on s'intéresse au point de vue, cette fois par le bas des populations chinoises, au lendemain de cette défaite officielle de la Chine, la plupart des Chinois considèrent qu'ils n'ont pas perdu la guerre. Pourquoi? Parce que fleurissent au lendemain de cette défaite chinoise, des placards partout dans les grandes villes qui représentent des gravures, puisque ça s'adresse souvent à des populations illettrées, des gravures qui représentent des victoires imaginaires chinoises. Dans la grande culture du faux chinois, ces gravures représentent comment les Chinois ont en fait remporté la guerre. Et donc, du point de vue des populations, il s'agit bien d'une victoire chinoise. Ça ne veut pas dire que, à la fin des fins, c'est une victoire chinoise, mais ça veut dire que cette question contrefactuelle nous a invités aussi à nous intéresser à la perception de ce conflit par le bas, qui est aussi intéressante que le point de vue macro surplombant des états-majors, auxquels se limitent bien souvent les livres d'histoire. Et c'est ça qui est passionnant dans ce travail, Pierre Sangaravelu. Vous êtes professeur au King's College à Londres et puis à l'Université Paris, Panthéon-Sorbonne, pour une histoire des possibles. Je cite ce livre-là, on retrouve votre bibliographie sur le site, le cours de l'histoire, franceculture.fr, parce qu'il y a décolonisation, entre autres. Mais dans cette histoire des possibles, quand vous l'avez publié avec Quentin de Lehermoz, avez-vous eu des retours critiques? Parce que, je vous donne la parole, et bien sûr, vous portez cette histoire-là. Est-ce que, encore aujourd'hui, il y a un regard un peu méfiant? Et on sent bien que dans la portée que peut avoir cette analyse contrefactuelle, y a tout cet aspect ludique, positif et d'analyse. Oui, il y a encore une frilosité chez certaines historiennes et historiens à l'égard de cette approche. Et on peut le comprendre parce que un usage non contrôlé du contrefactuel, notamment un usage uchronique, a tendance à tarir l'imagination plutôt qu'à la nourrir. Et donc, il y a toujours des formes de réticence. Mais disons que de plus en plus, les chercheurs en sciences sociales, en histoire, dans le monde entier, au fond, reconnaissent la pertinence de ce raisonnement de Friedrich Nietzsche, le philosophe, qui considère que la question contrefactuelle est la question cardinale. Parce qu'au fond, elle permet la plus fondamentale des comparaisons. Et rappelons que la comparaison est l'une des seules méthodologies en histoire et en sciences sociales. Elle permet la comparaison la plus fondamentale, celle entre ce qui est advenu et ce qui aurait pu être. C'est très clair comme réponse avec cette comparaison, parce que moi j'entends vraiment la pertinence de ces méthodes et tout ce qui peut conduire à l'histoire et à la réflexion est le bienvenu. Eh bien, cette analyse contrefactuelle est formidable. Donc, vous avez bien fait de venir, Pierre Singer-Avelli. Si vous n'aviez été pas là, l'émission n'aurait pas été la même. C'était beaucoup plus triste. Merci vraiment vivement. Merci à vous. Et la certitude là pour le moment, c'est qu'il arrive. C'est Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Pourquoi dit-on parfois que Napoléon fut vaincu par les poux ? Pour dénoncer le soutien que la France apporte aux Ukrainiens dans la guerre qu'il oppose à la Russie, Vladimir Poutine n'a cessé de faire référence à la résistance héroïque du peuple russe qui provoqua la débâcle de la grande armée napoléonienne en 1812. Pourtant, des recherches génétiques réalisées sur plus de 3200 cadavres retrouvés dans une fosse de Vilnius ont montré que 30% d'entre eux avaient succombé à des infections transmises par les poux, le typhus arrivant largement en tête. Certains en ont conclu, peut-être un peu hâtivement, que sans les poux, les Russes n'auraient pas pu battre Napoléon en 1812. Ce qui est incontestable, c'est que de tout temps et jusqu'au dernier conflit du XIXe siècle, les maladies ont tué plus de militaires que les balles et les boulets. Connu dès l'Antiquité, le typhus s'est brutalement propagé à partir de la Révolution française, car les guerres qu'elle a provoquées l'ont disséminé dans toute l'Europe. Les historiens de la médecine ont constaté que, de mai 1793 à octobre 1795, lors de la guerre contre l'Espagne, l'épidémie avait provoqué la mort de 12 000 hommes sur un effectif de 60 000. Au cours de la même période, le typhus fit plus de 5300 victimes dans l'armée d'Italie qui se battait dans le Piémont. Après la victoire d'Austerlitz, les prisonniers russes infectés par des poux propagèrent le typhus dans les hôpitaux de la région, faisant 12 000 victimes, bien plus que la bataille elle-même. Puis les colonnes de prisonniers et de rapatriés transportèrent le typhus vers l'ouest, jusqu'à Mayence. Les départements français de l'Est furent touchés en février 1806. Au cours des années suivantes, le typhus et les autres maladies véhiculées par les poux cheminèrent en sens inverse. Les soldats de la Grande Armée, en route vers le front russe, diffusèrent l'épidémie en Pologne et en Prusse orientale. Dès cette époque, les médecins avaient identifié la principale cause de cette hécatombe. Le caractère contagieux du typhus était déjà largement admis, et l'on savait le rôle néfaste que jouait la promiscuité d'un grand nombre d'hommes vivant confinés dans de mauvaises conditions d'hygiène. L'instruction sur le typhus, rédigée en 1814, fournissait déjà des conseils de prévention très précis. Les miasmes délétères peuvent être adhérents à la surface du corps, dans les poils qui en recouvrent quelques parties, et surtout dans l'enduit de crasse que le soldat porte le plus souvent. Il doit changer de vêtements et ne reprendre les siens qu'après qu'ils auront été désinfectés, parce que le germe du typhus peut exister dans ses habits. Si on remplace les mots miasmes délétères par le mot poux, on voit que, pour les médecins de l'époque, la cause des infections était déjà évidente. Mais comment aurait-il pu imaginer que ce parasite si répandu et somme toute familier pouvait ébranler un empire ? Faute de comprendre comment se transmettait l'infection d'un être humain à un autre, le problème de la contagion ne fut pas résolu avant le tout début du XXe siècle. La morale de cette histoire, c'est que, grâce au progrès de la médecine, Poutine ne peut compter sur les poux pour gagner la guerre en Ukraine. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée, et ça c'est très factuel, non pas contrefactuel, par Anne Toscane-Vudès, Jeanne Delecroix, Jeanne Coppet, Gillian Tilly, Violette Ruiz et Maïwenn Guizhou. Merci à l'Institut National de l'Audiovisuel, émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. La cour. Le procès du meurtrier Patrick Henry s'ouvre le 18 janvier 1977. Ses avocats, maîtres Boquillon et Badinter, vont tout faire pour lui éviter la guillotine. Retrouvez la reconstitution exceptionnelle d'un procès qui a marqué l'histoire du droit et de la justice française. Mais ce n'est pas le procès de la peine de mort.